Cependant, depuis plus de 3 heures que la marquise de Sévigné avait quitté ses 2 enfants en les laissant dans son carrosse sous la garde du cocher et du laquais, elle n'avait pas perdu son temps et son bon cœur avait eu une sérieuse occasion de montrer ce qu'il était capable de faire. La marquise, à la descente de voiture, suivit le gentilhomme qui s'était fait connaître en prononçant le mot du guet que le comte de Bussy-Rabutin avait indiqué d'avance à sa cousine. Ce gentilhomme, dont le costume et la tournure militaire annonçaient qu'il appartenait ou avait appartenu à un régiment de cavalerie légère, que Bussy avait commandé sans doute 8 ou 10 ans auparavant en qualité de maître de camp, ce gentilhomme marchait d'un pas modéré en se retournant de temps à autre pour s'assurer que madame de Sévigné venait derrière lui. Celle-ci, dont la confiance n'avait pas failli, dans la conviction que son cousin Bussy l'attendait et qu'il avait grand besoin d'elle, n'hésitait pas à suivre jusqu'au bout cette espèce d'officier de chevaux légers qui devait la conduire à un but qu'elle ignorait. Elle s'enveloppait seulement dans ses coiffes pour n'être pas remarquée ni reconnue. Elle traversa ainsi plusieurs cours, plusieurs galeries, plusieurs passages qui semblaient s'éloigner du palais central, de ce petit château que Louis XIII avait fait bâtir et que Louis XIV avait pieusement conservé en l'entourant de superbes bâtiments et en l'encadrant avec beaucoup de goût dans les nouvelles constructions. Tant qu'elle avait rencontré, sur la route qu'on lui faisait tenir, des gens du château, des domestiques en livrée, des officiers de la maison du roi, des gentilshommes et des seigneurs de la cour, qui se rendaient à leurs affaires ou à leurs devoirs, elle n'avait pas eu la moindre inquiétude ni le moindre soupçon. Mais quand elle se vit engagée dans une sorte d'allée sombre, entre 2 murailles nues qui n'offraient aucune voie de retraite, elle éprouva un sentiment de défiance qui ne faisait qu'augmenter à mesure qu'elle avançait dans cette allée solitaire. Tout à coup, elle s'arrêta et fit mine de retourner sur ses pas. Le gentilhomme qui la précédait parut comprendre le trouble et l'hésitation qui s'emparait d'elle. Il revint de son côté et la rejoignit avant qu'elle eût commencé à faire retraite. « Monsieur, lui dit-elle avec un air froid et sévère, vous plairait-il de me faire savoir quel est l'endroit où vous devez me conduire ?»« Volontiers, madame, répondit-il en la saluant avec respect. Maintenant que je puis vous parler ici sans témoin, le comte de Bussy-Rabutin, sous les ordres de qui je servais à la bataille des Dunes en 1654, m'a donné la commission de vous mener auprès de lui dans l'intérêt d'une affaire qui ne souffre pas de retard. Mais ce me semble, monsieur, interrompit-elle en souriant, ce n'est pas là un chemin qui puisse honorablement nous mener chez monsieur le comte de Bussy-Rabutin, lieutenant général des armées du roi. « Ce n'est pas chez monsieur le comte que j'ai l'honneur de vous mener, madame, répliqua-t-il en s'inclinant. J'ai le regret de vous conduire par un assez vilain chemin, je l'avoue, aux prisons du château, dans lesquelles monsieur le comte a été amené hier, par ordre du roi. » « Monsieur de Bussy, dans les prisons du château de Versailles ? » s'écria madame de Sévigné, aussi étonnée qu'attristée de cette nouvelle. « Il est probable qu'il n'y restera guère, repartit le gentilhomme, puisque vous avez pris la peine, madame la marquise, de venir lui prêter votre appui. » Tous les amis de monsieur le comte de Bussy l'espèrent, du moins. Si vous ne fussiez pas venu, madame, monsieur le comte de Bussy serait transféré cette nuit même à la Bastille, d'où l'on ne sort pas aisément une fois qu'on y est entré. Je ne sais pas trop, dit-elle, ce que je puis faire pour être utile à monsieur de Bussy, dans une affaire que j'ignore absolument. J'ignore de même quelle est cette affaire, répliqua le gentilhomme, mais on peut affirmer d'avance qu'elle ne touche pas à l'honneur de monsieur le comte, qui est l'honneur même en personne. Voilà pourquoi monsieur le comte de Saint-Aignan a donné des ordres pour que vous soyez admise d'urgence auprès de monsieur le comte de Bussy, et certainement avec l'approbation de sa majesté. » Madame de Sévigné fit un geste qui marquait son impatience de voir monsieur de Bussy, et elle suivit d'un pas plus pressé le gentilhomme qui devait être son introducteur dans la prison. Dès que son nom fut prononcé, les portes s'ouvrirent devant elle, et elle se trouva en présence de son cousin qui vint à sa rencontre avec un joyeux empressement et qui s'autorisa de la politesse de cour pour lui baiser la main avec une amicale familiarité. « Je vous demande pardon, chère cousine, lui dit-il galamment, de ne pas vous recevoir en un lieu plus digne de vous. En vérité, mon pauvre Roger, je ne m'attendais pas à venir visiter à Versailles un prisonnier d'État, répondit-elle avec une vive expression de sympathie et d'intérêt. « Oh mon Dieu !» ajouta-t-elle, émue du bruit des verrous qu'on fermait derrière elle. « Est-ce à dire que je suis désormais emprisonnée avec vous, comme votre complice ? Que je sache du moins quel est le crime dont vous êtes accusée ? Je suis d'abord tout au plaisir de vous revoir, après une assez longue absence, bonne cousine, et de vous revoir plus belle que jamais. Êtes-vous toujours si léger et aussi fou, Roger ? Interrompit en souriant Madame de Sévigné. Songez, pour devenir un peu plus sérieux, que vous êtes en prison, accusé de quelque méchante action, et que vous me faites partager votre captivité, toute innocente que je sois, de vos méfaits. Allons, plaisanterie à part, apprenez-moi vite la cause de cet incroyable emprisonnement. Je vous retiendrai ici le moins longtemps possible, je vous jure, mais veuillez d'abord vous asseoir, cousine, pour m'entendre, pour me plaindre et pour me conseiller, car je vous ai surnommée, s'il vous en souvient, la dame des bons conseils. Bussy Rabutin avait à cette époque près de 45 ans, mais il était encore peu sage, aussi peu prudent, aussi ardent et emporté que dans sa jeunesse. Quoique lieutenant général des armées du roi, il passait son temps dans la société des plus jeunes seigneurs de la cour. Quoique marié et père de famille, il ne s'imposait aucun frein dans son existence de folie et de désordre. Le jeu, la table, les plaisirs les plus bruyants et les plus fougueux faisaient l'occupation ordinaire de ses journées et de ses nuits. Il vivait pourtant à la cour, bien qu'il y fût presque constamment en disgrâce, et le roi lui-même le craignait comme le craignaient les courtisans. On lui attribuait tous les bons mots, toutes les épigrammes, toutes les satires qui couraient de bouche en bouche, parce qu'il était capable de faire les plus spirituelles et les plus mordantes. Suivant une boutade de Madame Henriette d'Angleterre, femme du duc d'Orléans, Bussy était la plus dangereuse langue et la plus venimeuse qu'il y eût parmi les scorpions de Versailles et les vipères de Fontainebleau. « Je gagerais que vous avez encore mordu quelqu'un ou quelqu'une, » lui dit Madame de Sévigné, qui ne lui pardonnait pas son défaut ordinaire de railler et de médire. « Vous vous faites toujours de terribles affaires, mon cousin, et il en résultera un jour ou l'autre que les femmes vous crèveront les yeux et que les hommes vous couperont la langue. » « Je n'en suis pas encore là, Dieu merci, et certes, il m'en coûterait trop d'être pour vous un objet d'horreur. Mais voici mon histoire, où je porte la peine de mes vieux péchés. Je vous atteste, ma cousine, que depuis 10 jours, je n'ai pas fait 3 épigrammes. Au surplus, c'est une chanson qui a fait tout le mal, et je n'en suis pas l'auteur, par cette excellente raison, que cette chanson est sotte et plate. Je ne devrais donc pas avoir à m'en défendre, mais la chanson s'adresse d'une manière très impertinente à Madame la Duchesse d'Orléans, qui s'en est montrée fort blessée, et avec raison. Vous plairait-il, belle cousine, que je vous chantasse cette chanson qui a le mot pour rire ? Chut ! Voulez-vous nous faire prendre en flagrant délit ? Soyez donc plus circonspect, sinon plus sage. » En 3 mots, voici ce qui s'est passé. Madame la Duchesse d'Orléans a trouvé la chanson écrite sur la semelle de ses souliers un de ces soirs où elle allait chez la reine. Le roi y était. Madame s'est indignée contre les chansonniers de la cour qui ne respectaient rien, pas même ses souliers. Là-dessus, elle fit voir la chanson qu'elle portait à la semelle de sa chaussure, et comme on faisait mine d'en rire, elle s'emporta en disant que le comte de Guiche lui avait appris que j'étais l'auteur de cette vilaine chanson. Sa Majesté mit sa colère au diapason de celle de Madame et déclara qu'on ferait bien de m'envoyer chansonner à la Bastille. On vint m'avertir le lendemain même de ce tripotage. Je guettais le comte de Guiche, et l'ayant trouvé qui allait chez monsieur, frère du roi, je l'arrêtai pour lui dire au passage « Monsieur, quand nous vous aurons coupé les oreilles, nous irons les clouer à la porte de Madame la Duchesse d'Orléans. » Je ne pouvais faire moins, ma cousine, que d'imposer silence à monsieur de Guiche, mais cette méchante langue, à qui je laisse encore ses oreilles, s'en servit assez mal pour entendre que ma menace s'adressait non à lui, mais à monsieur lui-même. Ce qui était un effronté mensonge. Je me lave donc les mains de ce qui est advenu de cette calomnie. Monsieur alla conter la chose à madame, qui courut la conter au roi et qui versa des torrents de larmes en jurant ses grands dieux que j'avais dessein de lui tuer son mari, si le premier prince du sang de France se refusait à se battre en duel avec moi. Voyez, cousine, ce que sont les caquets de la cour de notre grand roi. Sa Majesté, pour essuyer les pleurs de madame et pour rassurer monsieur, a ordonné de m'arrêter et d'instruire mon procès à la Bastille, procès criminel à propos d'une ridicule chanson qui n'est pas mon fait et qui ne vaut pas une chiquenaude. Vous convient-il que je vous la chante ? La chose est plus grave que vous ne pensez, Roger, repartit Madame de Sévigné, et vous avez tort d'en rire. Je n'ai que faire de connaître la chanson, et je serai plus à mon aise, ne la connaissant pas, pour prendre votre défense. Monsieur le comte de Saint-Aignan, qui sait mieux que personne ma parfaite innocence, a eu l'excellente idée d'user de votre venue à Versailles pour faire de vous une belle solliciteuse, la plus éloquente et la plus persuasive qu'on puisse souhaiter. Il s'est offert à vous présenter lui-même à monsieur devant qui vous plaiderez et gagnerez ma cause. « Non, interrompit la marquise, je n'ai que faire d'aller chez monsieur qui ne reçoit pas les dames. J'irai plutôt chez madame avec mes deux enfants, Charles et Françoise. Pardieu, j'eusse été charmé de les voir et de les embrasser, s'ils sont venus avec vous, ma cousine, et je vous garde rancune de ne pas me les avoir amenés. Je parie que votre fille Françoise est en passe de devenir aussi belle que vous l'êtes. Mais à coup sûr, si spirituelle qu'elle puisse être, elle ne le sera jamais autant que vous. Adieu, flatteur, lui dit madame de Sévigné. Vous me faites oublier que mes enfants sont restés dans mon carrosse, où ils m'attendent depuis tantôt une heure, en s'inquiétant de l'approche de la nuit. Adieu, Roger. Je m'en vais me rendre chez monsieur le comte de Saint-Aignan, où nous aurons belle affaire pour vous tirer de ce mauvais pas. Faites en sorte, mon ami, que je vous retrouve moins extravagant lorsque je reviendrai vous apporter vos lettres de grâce. Cousine, cousine, la plus précieuse lettre de grâce sera celle que vous m'écrirez de votre plus fine plume et de votre meilleure encre, vous qui savez écrire de plus belles lettres que Balzac et Chapelain. » La marquise de Sévigné fut ramenée à son carrosse par le gentilhomme qui l'avait attendue et qui lui fit escorte respectueusement jusque-là. Mais quelle fut l'émotion, quelle fut l'inquiétude de cette tendre mère lorsqu'elle apprit de la bouche du cocher et du laquais que son fils avait sauté à bas de la voiture pour chercher querelle à une espèce de comédien et qu'il avait été emmené par un officier du palais. Quant à mademoiselle de Sévigné, qui n'avait pas reparu depuis qu'elle était descendue aussi de voiture, on supposait qu'elle avait eu l'intention d'aller rejoindre sa mère. Ces renseignements vagues et insuffisants ne firent qu'accroître les angoisses de la marquise qui, sachant par expérience à quels excès de violence pouvait se porter son fils, s'imagina que ce jeune présomptueux était capable d'avoir provoqué ou accepté un duel avec un adversaire indigne de lui. Elle ne se rappelait que trop le fatal duel qui lui avait enlevé son mari. Elle était moins inquiète au sujet de sa fille parce qu'elle croyait avoir à compter sur la raison, l'intelligence et la sagesse prématurée de cette jeune personne. L'idée lui vint que mademoiselle de Sévigné, voyant son frère en altercation avec un inconnu, avait jugé nécessaire de lui assurer immédiatement une protection puissante et s'était fait conduire chez le premier gentilhomme de la chambre du roi, monsieur le comte de Saint-Aignan. La pauvre mère pensa qu'elle devait infailliblement retrouver son fils et sa fille en allant les réclamer chez le comte de Saint-Aignan. Le gentilhomme qui l'avait conduite à la prison de son cousin, ne s'étant pas encore retiré, elle le pria de la conduire, sur l'heure, à l'appartement du premier gentilhomme de la chambre, mais elle ne songeait plus, en ce moment, à la démarche qu'elle avait promis de faire auprès de ce seigneur dans l'intérêt du comte de Bussy-Rabutin. Elle n'avait plus d'autres soucis, plus d'autres pensées que de savoir ce que ses enfants étaient devenus. Elle ne les trouva ni chez le comte, ni chez la comtesse de Saint-Aignan, qui n'avait pas entendu parler d'eux et qui n'était pas même avertie de leur arrivée à Versailles. Le comte et la comtesse prirent une vive part à l'inquiétude croissante de la marquise et s'efforcèrent de la tranquilliser en donnant des ordres partout pour qu'on se mît en quête du jeune marquis de Sévigné et de sa sœur. On les avait vus en effet dans la cour des communs, mais ils n'avaient fait que paraître et disparaître, sans qu'on pût savoir de quel côté ils étaient allés, car personne ne les connaissait et ils n'avaient parlé à personne. On avait bien idée d'un entretien que le jeune homme aurait eu avec l'Angélie, le bouffon du roi, mais comme ce Langélie était craint et détesté de tout le monde, on se garda bien de le mettre en cause dans une circonstance où l'on ne pouvait le faire intervenir sans s'exposer à sa vengeance et à sa haine. L'heure s'écoulait avec une éternelle lenteur pour la mère qui espérait à chaque instant voir reparaître son fils et sa fille. La comtesse de Saint-Aignan eut beaucoup de peine à l'empêcher de se porter elle-même à leur recherche en lui disant que si elle s'éloignait d'un côté, ses enfants viendraient d'un autre, et que ce serait pour elle un nouveau retard dans la joie de les revoir. Aussi bien, objecta la comtesse, il n'y avait pas lieu d'avoir la moindre crainte, les deux enfants étant arrivés avec elle à Versailles et ne pouvant être qu'au château. Peut-être, ajouta-t-elle, en s'arrêtant à une idée qui lui vint, peut-être serait-il allé dans les jardins voir les beaux travaux qu'on y fait. Je vais donner ordre qu'on s'enquière s'ils y sont. Un peu de patience encore, chère marquise, et nous allons vous les rendre heureux de mettre fin aux soucis qu'ils vous ont donnés à leur insu et bien à contre-cœur. « Il est possible, » dit le comte de Saint-Aignan, qui n'avait aucune nouvelle des enfants de madame de Sévigné, « il est possible qu'en vous attendant, madame, il se soit fait conduire au théâtre, où l'on répète quelques entrées du ballet des arts dans lequel ils ont un rôle l'un et l'autre. Vous ne l'avez pas oublié, madame la marquise, et vous trouverez bon qu'ils s'en souviennent, quand il s'agit pour eux d'examiner les galants costumes qu'on leur a préparés. La représentation est un peu retardée, mais elle aura lieu dans 3 jours au plus tard. » Madame de Sévigné ne répondait pas. Elle était absorbée dans l'attente de ses enfants qui ne venaient pas, et chaque minute lui semblait un siècle. Elle écoutait tous les bruits du dehors, et elle cherchait à reconnaître ceux qui pourraient lui annoncer le retour de son fils et de sa fille. Son cœur battait si fort que les battements faisaient écho dans ses oreilles et des larmes roulaient dans ses yeux inquiets. « Ah, si le pauvre Bussy eût été là !» reprit le comte de Saint-Aignan, qui essayait de distraire la préoccupation de cette mère désolée. « Il vous aurait demandé la faveur de se faire le tuteur et le gardien de vos enfants, quoi qu'il soit, il a toujours été le plus inconséquent des hommes. » « Je ne vous disais pas que j'ai vu mon cousin de Bussy, » interrompit madame de Sévigné, qui eut presque un remords d'avoir oublié la promesse qu'elle avait faite à son parent. « Je l'ai vu, ce maître cervelé, je l'ai vu, dans une triste situation, surtout s'il est innocent de ce dont on l'accuse. Est-il vrai qu'on doive le conduire à la Bastille ?»« Cette nuit même, » répondit le comte de Saint-Aignan, « à moins que sa majesté ne change d'avis et ne daigne donner contre-ordre. » Il ne faudrait qu'une bonne parole bien dite, comme vous sauriez la dire, madame la marquise, pour obtenir de monsieur son intervention auprès du roi. Êtes-vous certain, monsieur le comte, demanda-t-elle, que Bussy ne soit pas l'auteur de cette vilaine chanson contre madame? J'en jurerais, par la raison que si Bussy l'avait faite, il s'en vanterait au lieu de s'en défendre. Son seul crime, c'est de l'avoir chanté dans une débauche où il n'avait pas la tête trop saine. Madame ne lui en gardait pas grande rancune, mais monsieur en était gravement offensé et s'en est plaint au roi. « Si mes enfants étaient ici, » dit en soupirant madame de Sévigné, « je ne me refuserais pas de faire une tentative auprès de monsieur, bien que monsieur me connaisse à peine de nom, car il n'avait pas plus de 11 ans lorsque j'ai quitté la cour à la mort de mon mari. « Monsieur vous connaît bien, madame la marquise, » repartit monsieur de Saint-Aignan. « Monsieur vous admire entre toutes les femmes et c'est lui qui m'a chargé secrètement de tout faire au monde pour vous rendre à la cour qui vous avait perdue depuis plus de 12 ans. Il lit, il copie de sa main toutes les lettres que vous écrivez à vos amis et qui circulent ici de main en main dès qu'on les a reçues. Monsieur en est le plus curieux collecteur et ces jours derniers, il déclarait tout haut, devant le roi, qu'une femme qui écrit de pareilles lettres est au-dessus de toutes les princesses et de toutes les reines de la terre. Pensez-vous que madame soit de son avis ? Répliqua-t-elle malignement, flattée d'un tel éloge, qui lui venait de la part du premier prince du sang de France. « Oh mon Dieu !» ajouta-t-elle avec un air d'indifférence, « je n'écris qu'à des amis, et ce sont des lettres sans façon que je n'écris pas pour qu'on les montre. De telles lettres ne sont que des conversations intimes et familières. » En ce moment, on entendit dans les antichambres la voix d'une personne qui était en débat avec les valets et qui affichait bruyamment la prétention d'entrer, malgré eux, sans attendre qu'on l'introduisît auprès du premier gentilhomme de la chambre. Madame de Sévigné, s'imaginant que c'était ses enfants qu'on lui ramenait, courut la porte et l'ouvrit elle-même. Elle se trouva en présence d'un personnage ridiculement habillé, qu'elle reconnut tout d'abord pour l'avoir vu souvent à la cour à l'époque où elle en faisait partie et lorsqu'elle était en grande faveur dans l'entourage de la reine-mère. Elle fit un mouvement de dégoût et de surprise, en se repentant d'avoir montré un empressement si mal justifié, car ce n'était pas ses enfants. C'était seulement l'Angélie, le bouffon du roi, le dernier qui a rempli son emploi dans la vieille charge des fous en titre d'office. « Que nous veut maître l'Angélie ? » demanda sévèrement le comte de Saint-Aignan, qui sut mauvais gré à ce bouffon de s'être représenté chez lui sans permission. « N'est-ce pas un message de sa majesté que m'apporte votre éminente folie ? » ?»« Monseigneur, » dit l'Angélie en s'inclinant profondément devant la marquise de Sévigné. « Permettez-moi de saluer cette belle dame, que j'avais l'honneur autrefois de rencontrer à la cour de ma vénérée souveraine, sa majesté, la reine-mère Anne d'Autriche, quand elle était régente de France. Je n'oublierai jamais, s'il plaît à Dieu, les coups de canne que feu son époux, monsieur le marquis de Sévigné, m'a fait administrer par ses laquais. « Il fallait donc que vous les eussiez mérités, » reprit vivement monsieur de Saint-Aignan, pour en avoir, après 12 ou 15 ans, aussi chaud souvenir. Dépêchez, s'il vous plaît, car nous n'avons pas de temps à perdre ces bagatelles. Venez-vous nous donner des nouvelles du jeune marquis de Sévigné et de mademoiselle de Sévigné, que je fais chercher partout le château? Cela seul nous importe à cette heure. » Je venais, en effet, monseigneur, répondit l'Angélie, vous annoncer qu'ils ont été conduits l'un et l'autre chez son Altesse royale, madame la duchesse d'Orléans. « Dieu soit loué !» s'écria la marquise de Sévigné, en adressant un sourire de reconnaissance à l'Angélie qu'elle méprisait et détestait pourtant de longue date. « Monseigneur, dit-elle en se tournant vers le comte de Saint-Aignan, ne vous semble-t-il pas opportun que j'aille en personne reprendre mes enfants et faire ma cour à son Altesse royale, pour la remercier d'avoir bien voulu les recueillir en l'absence de leur mère ?»« Je serai très honoré, madame, dit l'Angélie avec une malice perfide, de me faire votre chevalier d'honneur et de vous conduire moi-même jusqu'aux antichambres de son Altesse royale. » « Monseigneur, repartit la marquise de Sévigné en se rapprochant du comte de Saint-Aignan avec un mouvement d'effroi, vous m'avez offert de m'accompagner chez son Altesse royale, madame. Vous me donnerez ainsi l'assurance qui me manque, et si vous le jugez à propos, je serai heureuse d'être présentée sous vos auspices à monseigneur le duc d'Orléans. » « Nous allons donc de ce pas chez son Altesse royale, madame, dit le comte de Saint-Aignan. Quant à vous, maître L'Angélie, je vous dispense de porter la queue de la robe de madame la marquise de Sévigné. » « Vous savez, monseigneur, reprit vivement L'Angélie, que sa majesté daignera entendre ce soir le clavecin magique du sieur Raisin, ex-organiste de la ville de Troyes. Nous nous retrouverons donc l'un et l'autre à cette occasion en face de sa majesté. Quant à madame la marquise, je désire qu'elle se souvienne, comme je m'en souviens et m'en souviendrai toujours, de la gracieuse épigramme qu'elle m'a jetée jadis au visage devant ma bonne maîtresse la reine régente Anne d'Autriche. Il y a ici-bas tant de fous dont les agréables folies sont gratuites que je ne comprends pas comment on trouve bon de payer les folies maussades de l'Angélie. Adieu, madame la marquise, vous vous rappellerez que tout se paye ici, même les folies des autres. » L'Angélie salua encore, d'un air goguenard, et s'enfuit en poussant des éclats de rire. Le comte de Saint-Aignan était indigné et fit mine de donner un ordre pour mettre à la raison le fou du roi. « Ce malotru semble se réjouir d'une méchanceté qu'il aura faite, » dit-il inquiet et préoccupé. « En tout cas, madame la marquise, il accuse un sentiment de vengeance contre vous et contre votre mari défunt. Il faudra débarrasser la cour de cette vermine. » La marquise de Sévigné, en se présentant chez la duchesse d'Orléans, apprit avec beaucoup de contrariété que madame était allée chez le roi et la reine avec les deux enfants que l'Angélie avait mis sous sa garde. Le comte de Saint-Aignan ne s'expliquait comment ses enfants, qu'il avait fait chercher si longtemps dans tous les coins du palais, avaient été retrouvés par l'Angélie et conduits directement par lui chez madame. Il proposa donc à la marquise de Sévigné, qui devait être rassurée à leur égard, de l'introduire auprès de monsieur, frère du roi, dans l'intention de dégager sa promesse vis-à-vis du comte de Bussy en le tirant d'un mauvais pas. Philippe de France, duc d'Orléans, l'a reçu avec autant d'empressement que de curiosité. Il avait depuis longtemps le désir de connaître la femme distinguée qui écrivait ces incomparables lettres que les beaux esprits de la cour regardaient comme des chefs-d'œuvre. Après les compliments qu'il se plut à lui adresser, il se félicita de la voir revenir à la cour où elle était toujours présente depuis 12 ans par les sympathies et les admirations qu'elle y avait laissées en se retirant à Paris avec ses enfants. « Monseigneur, reprit-elle, je m'étais éloignée de la cour à la suite du plus grand malheur qui put arriver à une mère de famille. Mais aujourd'hui, la mère de famille reparaît avec un fils et une fille, qu'elle a élevés dans son veuvage et qu'elle vient mettre sous la protection de Sa Majesté et de l'auguste famille royale. Vous devez être assuré de cette protection, répondit monsieur, et pour ma part, je me tiendrai très heureux de vous prouver en toutes circonstances combien je vous porte intérêt et combien je me réjouis de vous revoir parmi nous. Monseigneur, reprit-elle, j'ai besoin de compter sur la bienveillance de votre Altesse royale, en venant, dès le premier jour de mon rappel à la cour de Sa Majesté, adresser au roi une requête et recommander respectueusement cette très humble requête à votre Altesse. Quel que soit l'objet de la requête que vous voudrez bien me présenter, dit le prince, vous devez être sûre, madame la marquise, que j'y ferai droit aussitôt, et m'estimerai très heureux de vous témoigner toute l'estime que vous méritez. Il s'agit de mon cousin, le comte de Bussy-Rabutin, répliqua-t-elle en se hâtant de profiter des bonnes dispositions du duc d'Orléans. Il faut que je sois bien persuadée que je plaide une cause juste et honorable, ajouta-t-elle chaleureusement, pour oser venir devant vous, monseigneur, combattre et repousser une accusation qui ne m'inspirerait que de l'horreur et du mépris si elle était fondée. Vous savez, madame, dit le duc d'Orléans avec un embarras mélangé de tristesse, que le comte de Bussy a commis une bien mauvaise action, en offensant gravement son Altesse royale madame, et en m'offensant moi-même par le même fait, qui inspirait au roi la plus juste indignation. Monseigneur, reprit vivement la marquise de Sévigné, je n'hésite pas à déclarer que mon parent est innocent de l'abominable action qu'on lui impute, et je me porte caution de son innocence en priant monsieur le comte de Saint-Aignan de vouloir bien se faire garant de ma déclaration formelle à cet égard. Monsieur le comte de Bussy-Rabutin, maréchal de camp des armées du roi, est incapable d'une pareille noirceur et d'une si odieuse ingratitude. Il proteste de toutes ses forces contre ses accusateurs et il demande à être placé en face d'eux pour les confondre. Je supplie monsieur le comte de Saint-Aignan de venir en aide à la démarche que je me suis permis de tenter auprès de votre Altesse royale avant d'aller me jeter aux pieds du roi et lui demander justice et grâce pour un de ses plus fidèles serviteurs. Je ne fais aucune difficulté d'appui la démarche si honorable que madame la marquise de Sévigné a osé faire auprès de votre Altesse royale, dit le comte de Saint-Aignan. J'ai étudié l'affaire en question et je me plais à reconnaître qu'il n'existe pas la moindre charge sérieuse à l'égard du comte de Bussy. La misérable chanson qu'on l'accuse d'avoir composée ne saurait lui être attribuée à aucun point de vue, car sans parler de l'infamie de cette pièce lâchement calomnieuse, c'est une œuvre si plate, si grossière et si ridicule qu'on ne peut supposer qu'elle soit de l'homme le plus raffiné et le plus spirituel de la cour. On croirait, il est vrai, dit le duc d'Orléans en se rangeant à l'opinion du comte de Saint-Aignan, on croirait qu'elle a été faite par quelque sot de Bayeux, qui ne soupçonne pas même ce que c'est que la langue, l'orthographe et la poésie. Mais ne vous souvient-il pas d'un autre gentilhomme, que je ne veux pas nommer, puisqu'il a fait amende honorable et qu'il était jamais en disgrâce? Il n'était pas sot, celui-là, et pourtant il avait fait fabriquer par son laquais une chanson du même style, qu'il colportait et chantait lui-même dans les réunions de débauche. Ah, monseigneur, s'écria le comte de Saint-Aignan, il y a entre Bussy et le seigneur dont parle votre Altesse royale, il y a la distance du soleil à la planète de Mercure. Bussy est un poète excellent, malicieux sans doute, mais de l'esprit le plus fin, le plus délicat, le plus charmant. Oh là, Saint-Aignan, vous vous enflammez trop pour le talent de votre mauvais sujet, interrompit le prince. Je me range à votre avis quant au talent, mais il faut avouer, en revanche, que le comte de Bussy est bien aussi le plus léger, le plus imprudent, le plus inconséquent des hommes. Mais puisque madame la marquise veut bien se porter caution pour son cousin, je ferai réparation d'honneur à ce pauvre Bussy, qui est assez puni par 24 heures de prison, et nous allons, s'il vous plaît, prier de faire mettre en liberté le prisonnier qui pourrait, dès ce soir, venir remercier sa majesté le roi. Le duc d'Orléans, accompagné du comte de Saint-Aignan, se rendit aussitôt chez le roi, où madame était encore avec les deux enfants de la marquise de Sévigné. Celle-ci ne fut pas admise sur le champ à les voir, car ils avaient été mêlés à un bien étrange événement que leur mère ignorait. Au moment où ils entraient dans l'appartement de madame, sous la conduite du bouffon Langély, qui sortira en riant, comme il en avait l'habitude, un papier roulé était tombé d'une des poches du marquis de Sévigné, qui n'y prit pas garde, et la duchesse d'Orléans, ayant remarqué la chute de ce papier, avait prié tout bas une de ses dames de le ramasser et de le lui remettre. Ce papier n'était autre qu'une copie de la chanson injurieuse qu'on avait fait circuler contre elle en l'attribuant à Bussy-Rabutin. L'indignation de madame fut grande, mais ne pouvait pas subsister longtemps à l'égard du marquis de Sévigné, qui n'avait pas plus connaissance du papier tombé de sa poche que de la chanson que contenait ce papier. L'agent inconnu de cette lâche machination avait poussé la perfidie jusqu'à signer du nom de Bussy-Rabutin la chanson satirique, qu'on avait voulu faire passer ainsi sous les yeux de la princesse, qui était l'objet des plus ignobles injures. Elle demanda pourtant des explications au marquis de Sévigné, qui lui raconta le plus naïvement du monde comment Langély l'avait enfermé à son insu dans une cave des communs, et comment ce bouffon du roi l'en avait fait sortir 2 heures après pour le conduire avec sa sœur chez la princesse, il n'en savait pas davantage, et il se plaignait amèrement de ce que cet impertinent individu s'était mis d'attenter à sa liberté sous prétexte de l'empêcher de châtier un comédien qu'il avait insulté. Louis XIV avait donc fait comparaître l'Angeli pour l'interroger sur les méfaits dont il paraissait coupable, car ce ne pouvait être que lui qui avait glissé dans la poche du jeune Sévigné la chanson diffamatoire, que ce dernier ne soupçonnait pas même d'avoir apporté avec lui dans la chambre de la duchesse d'Orléans. Celle-ci, irritée de longue date contre les insolences du bouffon du roi, était bien aise de tirer parti d'une occasion qui s'offrait de débarrasser la cour d'un personnage hostile et désagréable à tout le monde, mais que le roi tolérait et même soutenait, par déférence pour la reine-mère, qui le lui avait spécialement recommandé. Il s'agissait d'obliger l'Angeli à se reconnaître l'auteur de la malice infernale qu'on ne devait imputer qu'à lui, attendu que le marquis de Sévigné ne savait pas même quel était le papier qu'on avait vu tomber de sa poche. Or, ce jeune homme, depuis son arrivée à Versailles, avait été livré exclusivement aux étranges sévices de cet être malfaisant. Celui-ci niait effrontément ou refusait de répondre. La situation changea quand mademoiselle de Sévigné, qui était restée neutre jusqu'alors dans le débat, déclara que l'Angeli, en la menant avec son frère chez madame, tenait à la main un papier roulé. « L'Angeli, dit tout à coup le roi avec un visage menaçant et une voix terrible, « si tu t'obstines à mentir ou à refuser de parler, je te ferai trancher la tête comme un rebelle et un parjure. »« Ah, sire, reprit le bouffon effrayé, « vous ne ferez pas cela, pour l'honneur de votre très honorée mère, ma bonne maîtresse. »« Je le ferai tout à l'heure, poursuivit le roi, « si tu ne déclares pas qui a fait la copie de cette exécrable chanson, qui l'a signée du nom de Bussy-Rabutin et qui l'avait glissée dans la poche du marquis de Sévigné, pour qu'elle tombât dans la chambre même de son Altesse royale. » « C'est moi, sire, c'est moi, répondit l'Angeli, qui avait pris au sérieux la menace du roi. Je n'y entendais pas malice. Je voulais seulement divertir votre majesté en mettant les gens dans l'embarras et en chassant de la cour le fils d'un gentilhomme, du défunt marquis de Sévigné, mort en duel il y a 12 ans, qui m'avait fait battre par ses laquais, alors que la reine-mère, ma bonne maîtresse, était encore là pour me protéger. Je me suis vengé aussi, en même temps, du comte de Bussy, qui depuis 10 ans ne m'avait pas rencontré une seule fois sans me crier aux oreilles. « Monsieur le fou, quand aurez-vous un collier de chanvre autour du cou pour vous payer de vos mérites ?» L'Angeli, lui dit le roi avec une froide sévérité, « tu es trop vieux maintenant pour qu'on te fasse fouetter par les pages, en châtiment de tes méchancetés. Mais je te défends de reparaître jamais devant mes yeux, sous peine d'être mis à la chaîne et enfermé dans une cage de fer avec les bêtes de ma ménagerie. Va-t'en !» Louis XIV était le seul homme au monde que l'Angeli n'osait pas regarder en face. Il n'essaya pas de protester contre son arrêt et partit la tête basse en poussant de gros soupirs et en pleurant à sanglots. Il alla se cacher au fond des jardins où on l'entendit gémir toute la nuit. Le lendemain, on le trouva noyé dans un des bassins du parc de Versailles. Cependant, le roi avait daigné écouter la justification du comte de Bussy, que monsieur se chargea de présenter lui-même, en faisant intervenir sa femme, qui se plut à déclarer qu'elle ne se sentait pas le courage de garder rancune à un parent et ami de la marquise de Sévigné. Ordre fut donné à l'instant de mettre en liberté le prisonnier qui demandait à venir humblement se jeter aux pieds de sa majesté. « Qu'il ne soit plus parlé de cette sotte affaire, dit le roi, et que M. de Bussy se contente de remercier sa cousine, Mme la marquise de Sévigné, qui pourra, si elle le juge bon, nous l'amener ce soir à l'audition de l'orgue magique du sieur Raisin. » Cet orgue magique avait fait grand bruit depuis quelque temps à Troyes, en Champagne et dans les autres villes de la province. C'était, disait-on, une invention extraordinaire qui tenait du prodige, et peu s'en fallut que l'organiste Raisin, qui en était l'auteur, ne passât pour sorcier, car l'instrument qu'il avait inventé et dont il dirigeait les opérations mécaniques reproduisait, comme un écho, tous les airs que le musicien exécutait lui-même sur le clavier de son orgue, et cette reproduction de ces mêmes airs, absolument identiques, se répétait autant de fois qu'on pouvait le désirer et toujours avec la même perfection. L'Angeli, qui connaissait l'inventeur de l'orgue magique, c'est ainsi que cet orgue merveilleux était nommé, n'avait pas eu de cesse que son ami Raisin ne fût mandé à Versailles pour se faire entendre avec son instrument devant le roi. L'audition devait avoir lieu ce soir-là, et toutes les personnes de la cour qui se trouvaient au château furent averties de venir à cette curieuse séance musicale. L'assemblée était peu nombreuse, parce que la plupart de ceux qui devaient assister peu de jours après à la représentation du Ballet des Arts n'étaient pas encore arrivés à Versailles. Il n'y avait donc pas plus de 100 personnes réunies dans un nouveau salon du palais, lequel, tout resplendissant de dorures et de peintures, était à peine abandonné par les habiles ouvriers que n'avait achevé l'ornementation que faisait ressortir le brillant éclairage de 1000 bougies. On avait déposé sur une estrade la lourde caisse en bois noirci qui contenait l'orgue magique, et Raisin, revêtu d'un riche habillement espagnol qu'il avait porté au théâtre dans plusieurs comédies, attendait, debout, à côté de son instrument, l'entrée du roi et de la famille royale. Il était fort préoccupé du succès de l'épreuve décisive qu'il allait tenter devant une pareille assemblée. Il avait cherché des yeux, pour s'encourager, son ami Langeli, et il s'étonnait de ne pas l'apercevoir dans la salle. Quant à sa vieille mère, la pauvre femme avait obtenu à grand-peine l'autorisation de rester cachée derrière une porte, où elle pouvait tout entendre sans rien voir. Toute sa pensée se concentrait sur son petit Jacques, qu'elle savait renfermé dans l'intérieur de l'instrument, où il devait rester sans air et sans lumière pendant plusieurs heures. « Malheureux enfant, murmura-t-elle tout bas, un jour ou l'autre il mourra étouffé dans cette affreuse boîte, où il est condamné à passer la plus grande partie de sa vie. Dieu fasse qu'il grandisse assez vite pour être délivré de sa prison. » On annonça le roi, et Louis XIV parut, dans tout l'éclat de son grand habit de cour, suivi de la reine Marie-Thérèse, de son frère Monsieur le Duc d'Orléans, de sa belle-sœur Madame Henriette d'Angleterre, et de plusieurs princes et princesses de sa famille qui prirent place à ses côtés. Madame avait fait réserver des sièges auprès d'elle pour la marquise de Sévigné et ses deux enfants, qu'elle comblait d'attention et de politesse. Dès que tout le monde fut assis, on vit s'avancer le comte de Bussy-Rabutin, en grand costume de cour, qui, conduit par son ami le comte de Saint-Aignan, venait saluer le roi. « On est satisfait de vous voir après une courte absence, » lui dit le roi, avec moins de froideur qu'à l'ordinaire. « Je vous avais fait inviter par votre gracieuse parente, Madame la marquise de Sévigné. Vous ferez bien de vous rapprocher d'elle et de vous guider souvent d'après ses avis. » Bussy s'inclina profondément et alla occuper un siège qu'on avait laissé vide à côté du marquis de Sévigné. Le roi donna l'ordre de commencer le concert. Le musicien, dont l'émotion s'augmentait à chaque instant, ouvrit d'une main tremblante le clavier de l'orgue magique, et il n'était plus visible de personne lorsqu'il se fut assis devant cet orgue qui le couvrait entièrement. Mais Mademoiselle de Sévigné l'avait vu, l'avait reconnu, et sa mémoire lui rappelait alors tout ce dont elle avait été le témoin involontaire dans une chambre des communs du palais, où elle était restée assez longtemps évanouie. L'effroi et l'aversion que lui avait inspiré ce musicien ivrogne et brutal, qui maltraitait son fils en l'accablant d'injures et de menaces, se ravivèrent tout à coup dans l'esprit de cette jeune personne que tenaient émue et oppressée les souvenirs confus de sa bizarre aventure. Elle ne se rendait pas bien compte de ce qui s'était passé pendant son séjour accidentel au milieu de cette famille de bohémiens, qui n'avait eu pour elle que des égards respectueux et attentifs. Mais elle se rappelait que le coffre, contenant l'orgue magique, renfermait aussi un être vivant, un pauvre enfant malade, une victime qui souffrait peut-être cruellement à cette heure-là même, et qui devait souffrir ainsi en silence jusqu'à ce qu'on lui permît de remuer, d'étendre ses membres comprimés et de respirer à l'air libre. Les sons de l'orgue, que Raisin touchait admirablement, produisaient dans l'assemblée une profonde impression. C'était un hymne religieux, dans lequel l'exécutant imitait le chant grégorien de la chapelle du pape, en l'entrecoupant par des chœurs de voix féminines. Le morceau achevé, le musicien se leva et vint se replacer debout à côté de son orgue. Après quelques instants de silence et d'émotion, l'instrument, qui était devenu muet, reprit tout à coup la parole et répéta sur un mode plus lent et moins énergique le morceau de musique religieuse que l'organiste venait de jouer avec une exécution si puissante et si habile. On eût dit qu'un écho, caché dans les profondeurs de cet orgue, avait retenu fidèlement les accords que l'organiste savait tirer des tuyaux de son instrument. Tous les assistants, malgré la présence du roi, ne purent se défendre de manifester leur étonnement et leur admiration. L'orgue ayant fait silence, le musicien se remit à son clavier et fit entendre un air italien, composé de flûtes et de hautbois dans le genre tendre et langoureux. Puis, son exécution terminée, le musicien descendit de son estrade pour montrer qu'il était entièrement étranger à l'action mécanique de son orgue, qui exécuta seul après lui le même air italien avec plus de douceur encore et de mélodie. L'organiste renouvela trois fois de suite une expérience analogue et trois fois l'orgue magique, sans subir aucun contact avec la main de l'homme, rendit en écho, un peu affaibli, les divers morceaux exécutés par le musicien. Un dernier essai fut moins heureux. Raisin venait d'achever une cantate entremêlée de symphonies brillantes et l'attendait avec anxiété que l'orgue se mit à exécuter son solo magique, car il n'était sorti de l'orgue qu'un soupir qui ressemblait à un gémissement. « Madame, » dit mademoiselle de Sévigné en se penchant à l'oreille de la duchesse d'Orléans, « Madame, il y a là-dedans un enfant qui se meurt. » La princesse avait compris, avait deviné. Elle se pencha à son tour à l'oreille du roi et lui fit remarquer la contenance effarée du musicien qui, pâle, les yeux hagards, s'était approché de son instrument et avait l'air de s'y attacher avec les mains pour se soutenir et ne pas tomber sans connaissance. Soudain, une voix stridente se fit jour à travers l'entrebâillement d'une porte fermée et retentit dans le salon où l'émotion apparente du musicien avait gagné de proche en proche tous les spectateurs. « Jacques !» disait cette voix lamentable. « Le petit se meurt. Le petit va mourir étouffé. Ouvre, ouvre ta machine. Jacques, pour l'amour de Dieu, sauve notre enfant. » Louis XIV avait donné un ordre et deux pages de la chambre étaient déjà en conférence avec Raisin qu'il sommait, au nom du roi, de mettre à découvert le secret de l'orgue magique. Le musicien essayait de résister et demandait avec instance qu'on se contentât de transporter dans une autre salle le coffre qui contenait son jeu d'orgue. Il suppliait à main jointe, il invoquait son privilège, ses droits d'inventeur mécanicien et organiste. « Oh mon Dieu !» disait mademoiselle de Sévigné, qui connaissait seule le secret de l'orgue magique. « Ce mauvais père laissera périr son enfant. » « Que de retard, que de résistance !» disait le roi à madame. « Cet homme a bien osé de désobéir à mes ordres. Ça, qu'on brise sa machine à coups de marteau, je veux voir ce qu'il y a dedans. » Raisin ne se le fit pas dire une seconde fois. Il alla ouvrir lui-même le compartiment dans lequel son fils était renfermé et il l'en tira évanoui, sans haleine et sans mouvement. Une rumeur immense d'inquiétude et d'indignation s'éleva de toutes parts. Mais le musicien eut recours aux moyens qu'il avait déjà employés souvent pour combattre un commencement d'asphyxie. Il secoua l'enfant, lui souffla dans la bouche, lui frotta les tempes et lui humecta les paupières avec de la salive. L'intérêt palpitant de cette scène inattendue tenait en émotion tous ceux qui en étaient témoins. Les femmes poussaient des exclamations aussitôt réprimées. Quelques-unes étaient sur le point de perdre le sentiment. Enfin, l'enfant avait rouvert les yeux et il portait autour de lui un regard indécis. Il se ranima rapidement et parvint à se mouvoir en retrouvant la conscience de lui-même lorsque son père lui ordonna de s'agenouiller et d'implorer le pardon du roi. Mais cet enfant était incapable de prononcer une parole. « Sire, » dit Raisin, qui reprit l'assurance et la hardiesse d'un ancien comédien, « j'expose respectueusement, au regard de cette illustre assemblée, le secret de l'orgue magique, ce secret qui était l'unique ressource de ma pauvre famille. Cet enfant est mon fils, âgé de 6 ans à peine, et déjà fort bon musicien. S'il n'était pas si jeune, je demanderais à votre majesté de vouloir bien l'attacher à sa chapelle, tandis que moi je reviendrai à mon premier métier, qui fut l'état de comédien, et j'aspirerai à entrer dans la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne. « L'enfant est de bonne mine, » disait le duc d'Orléans, qui n'osait prendre une décision sans l'aveu du roi. « Je pourrais le faire élever et instruire par le gouvernement de mes pages, et plus tard il ferait un très bon ballet de musique. » La bohémienne, aïeule de cet enfant, s'était échappée des mains de la livrée, qui s'efforçait de la retenir et de faire taire ses lamentations et ses cris. Elle fit irruption dans le salon et alla se précipiter aux pieds du roi. « Sire, sire !» disait-elle en sanglotant. « Que votre majesté daigne me laisser mon petit Jacques, que son père martyrise et qu'il a failli sans le vouloir faire périr aujourd'hui même sous les yeux de votre majesté. Je suis la vieille mère de tous les raisins qui se distinguent dans la comédie et dans la musique. J'étais moi-même musicienne et comédienne. Si votre majesté daignait m'accorder le privilège de la troupe des petits comédiens de Monseigneur le Dauphin... « Êtes-vous folle, la mère ? » interrompit Louis XIV. Le dauphin qui est né au mois de novembre 1661 n'a guère plus d'un an à cette heure. Monseigneur le dauphin grandira, repartit la vieille avec vivacité, et alors le premier comédien de sa troupe sera mon petit-fils Jacques, présentement âgé de 6 ans et demi. Louis XIV, qu'on n'avait jamais vu rire, excepté au théâtre, accueillit en riant la requête de la mère de tous les raisins et lui promit de signer, le lendemain même, les lettres patentes établissant la troupe des petits comédiens du dauphin. Cette troupe, d'une espèce toute nouvelle, devait avoir de grands succès à la cour grâce au talent de son principal acteur. Quant à Jean-Baptiste Raisin, il obtint des lettres du roi pour entrer dans la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne, et sans être un des meilleurs comédiens de cette excellente troupe, il se corrigea du défaut de boire comme un musicien. Peu de temps après la dernière séance où l'on entendit l'orgue magique, le ballet des arts fut représenté à Versailles avec pompe. Le roi y dansa, ainsi que son frère et madame. Cependant, la marquise de Sévigné refusa absolument d'y figurer, en disant que sa condition de veuve s'opposait à sa réapparition sur la scène des ballets de la cour, où sa fille était en âge de paraître à sa place pour obéir aux volontés du roi. « Maintenant que l'Angélie est mort, dit à ce sujet l'incorrigible Bussy Rabutin, sauvé par sa cousine de la Bastille et d'un procès fâcheux, personne n'osera dire à sa majesté qu'un roi qui danse dans un ballet n'est pas même le roi des baladins. » Ainsi s'achève Madame de Sévigné et ses enfants à la cour de Versailles, par Paul Lacroix.